الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله واشكروه أن بلغكم هذا الشهر المبارك، شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام، فإن من أدركه فصامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاشكروا نعمة الله عليكم بإدراككم له بالاجتهاد في العمل الصالح واجتناب المعاصي والقبائح. إن المشروع للمسلم في رمضان وغيره مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء حتى تكون نفسا مطمئنة آمرة بالخير راغبة فيه. قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وواجب على المسلم أن يجاهد عدو الله إبليس حتى يسلم من شره ونزغاته. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالمسلم يا عباد الله في هذه الدنيا في جهاد عظيم متواصل للنفس والهوى والشيطان، وعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار في كل وقت وحين، ولكن الأوقات يختلف بعضها عن بعض. فشهر رمضان هو أفضل أشهر العام، وهو شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. الحديث رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، serviteur d'Allah، craignez Allah، louez-le، remerciez-le pour vous avoir permis d'atteindre ce mois béni qui est le mois du jeûne، le mois des prières nocturnes, de la lecture du Coran et des dons de nourriture. Celui qui a atteint ce mois et l'a jeûné, prié ses nuits avec foi et conviction, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Remerciez Allah pour ses dons et ses bienfaits sur vous d'avoir pu atteindre ce mois en faisant des efforts dans les bonnes actions et en s'éloignant des péchés et des mauvaises actions et des choses nuisibles. Ce qui est légiféré pour le musulman durant le Ramadan et aussi durant les autres moments, les autres mois de l'année, c'est de combattre sa propre personne qui le pousse à commettre le mal jusqu'à qu'il ait une âme apaisée dans toute la quiétude qui le pousse à accomplir le bien et qui l'encourage en cela. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens du verset: je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Il est un devoir pour le musulman de combattre l'ennemi d'Allah, Iblis, le diable lapidé, jusqu'à qu'il soit à l'abri de son mal et de ses suggestions. Allah nous dit, dans le sens du verset: n'ai-je pas pris l'engagement à vous, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer, de ne pas obéir au diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Et Allah nous dit aussi, dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, ne suivez pas les traces et les pas du diable, et ceux qui viendront à suivre les pas du diable, sachez qu'il en donne la turpitude et le mal et tout ce qui est blâmable. Le musulman, dans ce bas monde, il est dans un combat énorme, perpétuel, contre sa propre personne, contre sa passion, contre le diable. Il se doit de se repentir abondamment à Allah Azza wa Jal, de demander le pardon en tout temps et en tout lieu. Car les moments sont différents les uns des autres. Il y a des moments qui sont propices et meilleurs. Le mois de Ramadan, c'est le meilleur des mois de l'année. C'est le mois du pardon, le mois de la miséricorde et le mois où on est épargné du feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère et véridique. Et Allah nous dit aussi, dans le sens du verset: et repentez-vous tous, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: est venu à vous un mois béni qui est le Ramadan, dans lequel Allah a ordonné le jeûne. Les portes des cieux sont ouvertes, les portes du ciel s'ouvrent, les portes de la géhenne, de l'enfer se ferment, et les rebelles parmi les démons et les diables sont enchaînés. Le hadith, rapporté par Ahmed et Al-Nasa'i, est authentifié par Al-Albani. اللهم اهدنا إلى دينك هدى جميلا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.